Mosaïque. Bonjour à tous et merci pour le choix que vous portez à cette émission Mosaïque sur Isanganiro. Pour une nouvelle fois, le débat va porter sur la liberté politique à la veille des élections de 2025 et 2027. État des lieux, défis et perspectives. 36 partis politiques sont agréés au Burundi, mais tous ne sont pas visibles sur le terrain. Quelles en sont les causes? Quels sont les défis et qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles devant l'opinion? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Kefani Wizi, c'est le président du parti Côte Debout, Iragui Diandadaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour nous avoir invités. Je salue tous ceux qui nous partageons ce plateau et tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je salue mes amis ici au plateau, je salue les auditeurs qui nous captent et je salue tout le monde qui suit l'émission Mosaïque à travers la radio et la télévision Isanganiro. Merci. Et puis il y a vous, Gaspard Kobako, vous venez fraîchement de créer le parti Alliance Nationale pour la Démocratie, AND, Inadohoka. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue les amis avec qui nous partageons le plateau. Je salue les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Et ça fait un bon bout de temps qu'on ne partageait pas justement cette émission. Vous n'avez pas encore créé le nouveau parti. Oui, tout à fait. Et vous avez raison. La mise en onde est assurée par le duo Séraphine Hakizimana et Jérôme Ndaishimiye. Réalisation de Vestine Butoyi. À la présentation, Léonce Vitario. Isanganiro. Ma première question, je vais l'adresser à vous. Kefa Nibizi, comment se porte là où les libertés politiques dans le pays, que ce soit pour le cas de votre parti, le Côte Debout, Iragui Diandadaye ou d'autres partis de façon générale? Bon, merci beaucoup. Tout d'abord, il faudra noter que nous sommes dans un pays qui accepte le multipartisme, comme il y a deux autres formations politiques qui viennent d'être agréées. Et certes, on constate que sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup qui exercent les activités, peut-être pour plusieurs raisons. Et concernant la liberté politique, là, je veux parler des réunions et des manifestations politiques ou d'autres aspects. Ça sera un peu difficile de le dire parce que, aussi longtemps, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui sont sur le terrain. La comparaison risque d'être un peu compliquée. Mais on assiste à des comportements de certains militants des partis politiques qui ont tendance à vouloir intimider ou empêcher les autres de faire des activités politiques. Au moment où nous approchons les élections, on assiste à des indicateurs de fièvre électorale, notamment des slogans et des chansons qui intimident les autres ou qui sont des chansons de caractère à des à mépriser les autres. On les voit ici et là, quoique ce n'est pas très généralisé. Nous assistons à des comportements de certains administratifs à la base qui ont tendance à empêcher les militants des partis politiques autres que ceux du parti au pouvoir d'exercer les activités. Là, je parlais de façon générale. Je vais vous donner quelques cas concrets qui concernent le parti Côte Debout. Justement, j'allais poser la question. Vous parlez des militants des partis politiques qui empêchent les autres d'exercer leur libre travail sur le terrain. Où est le Côte Debout? Quels sont ces partis qui empêchent les autres? Quels sont ceux qui sont empêchés? Et où est le Côte Debout? Bon, je vous donne quelques exemples dans la province de Makamba. Il y a au moins un mois ou deux où on a zigouillé les écritures du parti Côte Debout qui étaient indiquées sur notre permanence. On a effacé le nom du parti, on a effacé aussi certains slogans qui étaient sur la mire de la permanence. Certainement qu'on n'a pas constaté qui a fait ça, mais nous avons l'impression qu'il s'agissait des personnes avec qui on ne partage pas la même idéologie politique. Il y a deux mois, je crois, effectivement, on a fait une réunion à Makamba avec les militants de notre parti politique. À la fin de la réunion, ils se sont adressés dans un bar pour prendre un verre. Alors, l'administration et la police sont venus pour dire, voilà, vous êtes en train de faire des réunions non autorisées. Ils ont failli être emprisonnés. Alors qu'à côté... Vous étiez en tenue du parti. Oui, mais pendant les heures de la journée. À côté de nous, il y avait les militants du parti au pouvoir qui prenaient de la bière, qui ne s'inquiétaient pas. Mais nous, on était inquiétés. Il n'y a que deux semaines, on a demandé la permission de faire une réunion à Nyanzarak. L'administrateur communal dit non, je ne peux pas vous autoriser directement. Laissez-moi d'abord demander l'autorisation à Aho. Est-ce que vous demandez, il s'agit de demander la permission ou d'informer? D'ailleurs, je m'excuse, on informait qu'il fallait une réunion. Elle dit non, il faut attendre, je vais demander une autorisation dans Aho. On ne sait pas où se trouve cet Aho, c'est au ciel ou c'est qui, je ne sais pas. Et finalement, la permission, l'autorisation. La demande qu'on avait introduite a été suspendue pour des raisons non encore identifiées. Le week-end passé, j'étais à Mongue. On a introduit une information de la tenue d'une réunion. L'administration est informée. Tout le monde est copié jusqu'au niveau du chef culinaire. Au moment où on faisait une réunion, je vois l'administration culinaire qui vient, qui interpelle le représentant provisé de notre parti politique, il dit non, vous êtes en train de faire une réunion dans un endroit non autorisé. Quand vous allez terminer, il faudra passer me voir. Et quand il s'agit de faire ces activités politiques, qui doit être informé? Bon, ça dépend. Quand vous organisez une réunion des militants communaux, vous informez l'administrateur communal et vous donnez les copies à l'administration de base, à la police, à l'administration de base. Et cela avait été fait. On avait copié au commissaire communal de police, on avait copié au chef de zone et au chef de quartier où on va passer la réunion. Et le chef de quartier est venu dire non, là, vous faites une réunion dans un endroit non autorisé. On lui montre la lettre, il dit je voulais ce, mais après il faudra passer me voir. Passer me voir, on n'a pas su ce qu'il voulait, probablement. Vous comprenez. Donc, nous recevons des informations de nos militants ici et là, que quand ils se mettent ensemble, ne fût-ce que pour échanger, ça m'a porté les effets des partis politiques. On assiste à des groupes de jeunes, d'autres formations politiques. Vous m'avez dit qu'il faut préciser, si les partis politiques concernés étaient représentés ici, j'allais citer nommément, mais comme ils ne sont pas représentés, je pense que la prudence exige. Donc ils viennent, ils intimident, comme quoi tout le monde n'a pas le droit d'exercer librement les activités politiques. Donc, en tout état de cause, c'est vrai que le militantisme... Et si vous y alliez directement, ça fait un certain temps, vous avez été mis en prison suite à un message que vous aviez posté sur votre compte X et ex-Twitter. Comment est-ce que vous vous êtes senti en tant que responsable du parti? Vous parlez de membres de votre parti, mais il y a aussi vous, votre personne. En tout cas, pour vous dire, vrai, quand j'ai été interpellé, je n'ai jamais imaginé qu'on va me poser des questions en rapport avec une communication qui a été faite par le parti. Ce n'était pas d'abord moi, c'était le parti qui a fait la communication, quoique ça avait passé par mon portable. Quand j'ai vu les accusations qui concernaient effectivement un message qui interpelle la population à être vigilant pour adresser la situation socio-économique dans laquelle on vivait, en tout cas, l'incompréhension était totale. Mais ce qui m'a étonné, heureusement, c'est qu'après un certain bout de temps, je pense qu'ils ont lu minutieusement le message que le parti avait posté. Ils ont compris qu'il n'y avait rien et ils ont décidé de me relâcher. Donc, en tout cas, à entendre les contours, c'est le tellement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents des messages qu'on donnait parce que ça risquait de les dévoiler en rapport avec certains manquements dans le pays. Et ils auraient voulu inciter les autorités compétentes de poser ces actes. C'était des actes, effectivement, de nature à intimider, mais heureusement que ça a été. Je vais revenir vers vous. Oui. Permettez que je m'adresse à Gabriel Banzawito, le président du parti APDR. Quelle est la lecture? Comment se porte, selon vous, la liberté politique aujourd'hui dans le pays? À l'heure actuelle, c'est comment? Cette question est un peu difficile à répondre, hein, mais en général. Aujourd'hui, on peut dire que le Burundi a pris un pas en avant en rapport avec la liberté, puisque déjà le Burundi accepte le multipartisme, c'est un pas, mais aussi accepte la liberté des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques vaguent dans les activités quotidiennement sans problème, mais aussi, on ne parle pas des partis politiques seulement, il y a les églises, il y a les organisations de la société civile, il y a les confessions religieuses, tout ça, je peux dire que jusqu'à maintenant, il y a libre-échange, mais aussi il y a des médias, il y a la prolifération des médias qui donnent la parole à tout le monde, et vous voyez que beaucoup de gens se sentent bien à dire ce qu'ils veulent à toute tranquillité. Mais on ne peut pas dire que tout est blanc, puisqu'il y a quelques anomalies qui poussent que la liberté n'est pas totalement exécutée sur le terrain. Ici, on peut dire qu'il y a peut-être les partis qui impliquent les enfants dans les activités politiques, alors que la Constitution, loi sur les partis politiques, disent que c'est un majeur qui devrait être membre d'un parti politique à partir de 18 ans. Donc, si vous voulez impliquer les enfants au niveau de l'école, au niveau des écoles, élaborer un programme de patriotisme, de civisme, mais à tous les enfants. Mais impliquer les enfants dans l'activité politique, et disant que vous êtes en train de les préparer. Au lieu de les préparer, c'est pour les tuer. Sinon, devrait être la place de l'enfant, c'est au niveau de l'école. Est-ce qu'il ne faut pas des pépinières pour... Non, ce n'est pas ça, puisque l'enfant va choisir... Il y a multipartisme. Pourquoi tu commences à impliquer à bas âge alors qu'il n'a pas la capacité de choisir les beaux et les mauvais? Alors que c'est à partir de 18 ans qu'il est majeur de prendre la décision dépendamment des parents. C'est les parents qui devraient expliquer les enfants peut-être au niveau de la maison, mais ce n'est pas au niveau des partis, ouvertement. Il y a les partis qui sont pauvres. Mais là, il n'y a pas de problème quant à la liberté politique. C'est les lois. Quand on dit les lois, la constitution burundaise dit que les partis politiques sont libres, mais être membre, c'est à partir de 18 ans évolue. C'est la loi sur les partis politiques. Si on a dit ça, c'est parce que l'enfant n'a pas la capacité de choisir à son âge. D'ailleurs, la place de l'enfant, c'est au niveau de l'école. Là-bas, je ne dis beaucoup puisque c'est la loi qui est là. Alors, le premier à exhiber, c'est celui qui est au pouvoir, qui devrait garantir la loi. Il y a les partis qui n'ont pas de financement, qui n'ont pas de moyens. Et vraiment, c'est une entrave, puisque beaucoup de partis n'arrivent pas sur le terrain pour rassembler les militants, à cause de quoi? De faute de moyens. Il y a aussi des slogans qui disent que nous, on ne touche pas, on a déjà gagné, on a tout ça. Alors qu'avec le multipartisme, on devrait garantir surtout les programmes. Donc, borner sur les programmes, si quelqu'un gagne, c'est sa chance. Pourquoi même on organise les élections? Et il y a aussi la perquisition au niveau... Ce manque de moyens financiers, cette pauvreté, ça n'implique pas... Oui, ça implique, ça touche... Manque de liberté politique, oui, ça touche aussi. Non, ça touche aussi liberté politique, puisque quand on est entré déjà dans le multipartisme, la population a besoin de voir sur la télé ces multicolores et d'entendre les idées. Mais vous trouverez beaucoup de partis politiques, c'est au niveau des médiums seulement, mais sur la télé, on manque... Les adresses, au moins qu'ils les représentent, c'est un défaut de faire des partis au niveau des papiers, alors que ça devrait être garanti. D'ailleurs, le défaut est clair. Vous trouverez que au niveau des législatures, il y a tout simplement deux ou trois partis, alors que ça devrait au moins avoir 5 ou 10 partis. Et aussi, il y a des majorités, il n'y a pas de majorité, il y a des blocages. Aujourd'hui, comme on veut dire vraiment un parti qui a tout gagné, vous trouverez que ça passe, les lois, ça passe en toute fois de quoi d'étudier. Il y a aussi les administratifs à la base qui n'ont pas encore capté ou bien attendre la démarche démocratique et qui veulent tout simplement monopoliser le pays alors qu'il y a multiclore. Dans l'ensemble, c'est ça. Mais dans l'ensemble général, je dirais qu'en général, on peut dire que la liberté vraiment est garantie au pays, sauf qu'il y a certaines anomalies qui devraient être corrigées pour rassainir totalement. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution ou régression de la situation par rapport au temps passé et quelle est l'image que vous en faites pour ces prochaines échéances électorales 2025-2027? C'est une évolution puisque auparavant ce n'était pas ainsi. Il n'y avait pas, peut-être même à votre médium, c'était difficile d'y affronter puisque vous savez ce qui s'est passé au Burundi. Alors aujourd'hui, on peut dire que je suis ici au Média, je parle ce que je veux, c'est dans mon cœur, c'est vraiment tout à fait net. Alors concernant les élections 2025, ce sont des élections d'abord qui ont, je dirais, qui sont très différentes aux autres passés. Ce sont des élections là où le président de la République, la candidature du président de la République ne sera pas parmi, sauf en 2027. Alors que la candidature du président influence déjà les autres élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va centrer sur le programme. C'est pourquoi je demande aux partis politiques d'assainir le programme politique et inviter la population de ne pas vraiment se militariser, mais plutôt constater le programme pour que des membres après vont demander la suite des programmes déjà votés. Mais aussi, ce sont des élections, je dirais, on va dire à la fin que ce sont des élections qui sont différentes avec les autres. Pourquoi ? Depuis le Burundi, depuis 66, après 10 ans au Burundi, on observe des cycles qui embêtent pas. Le Burundi met à 5 pas en avant et le kill 10 pas en avant. Puisqu'à chaque 10 ans, il y a cycle de violence. Alors on voulait demander que nous, en tant que hommes politiques, on doit travailler fortement pour que les élections passent en botte. Ok, je vais revenir. Question à vous, Gaspard Kobako. Votre parti est encore plus jeune. Les libertés politiques, ça vous dit en tout cas quelque chose, un mot à placer. Vous en avez quelle image au Burundi, le pays qui chemine vers les élections? Merci pour cette question. Nous avons un nouveau parti, effectivement, sur la scène politique, parmi les 36 partis politiques agréés, qui évoluent normalement. Quand je dis normalement, il y en a eu, bien sûr, dans le temps, plus de 36, je crois que c'était autour de 45. Ça veut dire qu'il y a des partis qui se sont essoufflés et qui ne font plus l'exercice politique. Oui, le CNDD. Donc, pourquoi le CNDD? Pourquoi pas le Front Debout? Pourquoi pas le CNDD-FDD? Parce que j'ai appartenu à toutes ces organisations, mais tout en notant qu'il y a toujours une filigrane dans ma lutte et dans notre lutte, c'est avec qui nous sommes ensemble. Ça veut dire que nous n'avons pas commencé par le CNDD. Nous avons commencé par, disons-le, à haute énergie, par le Front Debout. Ça, c'est notre départ, M. Kefani Gizi. Il faut que tu le saches. Je n'ai jamais appartenu à aucun autre parti politique, sauf le Front Debout. Je n'ai pas été au Paripéoutou, je n'ai pas été à l'Uprona, même quand nous étions forcés, c'est-à-dire on y était sans y être. C'est clair et net comme l'eau de roche. Vous avez passé au sein de l'AND, vous y êtes. Nous y sommes et nous y restons. Et je pense que mon âge ne me permet pas de naviguer encore, ni à gauche, ni à droite, mais toujours aller de l'avant. Et le temps que vous venez de passer, vous avez été sur terrain. Je dis souvent que quand on ne sait pas où on va, comme disait le philosophe, pédagogue Maget en éducation, quand on ne sait pas où on va, on aboutit quelque part ailleurs, mais prouver qu'il y ait une lutte continue dans ce qu'on croit. Donc, nous croyons en la démocratie et rien qu'en elle, avec toutes ses caractéristiques. Concernant les libertés politiques, il y a l'acceptation, de fait, du militantisme au Burundi. Et c'est venu de l'abord, mais ce fut un accouchement avec douleur, mais la démocratie est là. Même si il connaît des hauts et des bas. Alors, nous gérons un parti jeune, l'Alliance nationale pour la démocratie, Nadohoka. Mais nous ne sommes pas jeunes en politique parce que nous avons une expérience trentenaire en politique. Je le dis souvent, on ne navigue pas à vue. Chaque fois qu'on voit que les choses ne marchent pas, nous allons toujours de l'avant. Quand il y a régression, quand il y a stagnation, nous nous disons, pour peu que nous voudrions continuer à faire de la politique, nous allons de l'avant. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une filigrane dans nos convictions, dans notre lutte politique et démocratique. Alors, il y a eu un temps où nous avons observé, depuis l'avènement du militantisme d'ailleurs, il y a 5 ans, je crois que nous étions dans une émission de la radio télévision Isanganiro, où tous les hommes et dames politiques disaient que tout va pour le mieux dans le meilleur du Burundi, en matière de liberté politique, d'exercice politique. Moi, j'ai levé le doigt pour dire, est-ce que nous sommes dans le même pays ? On venait justement d'organiser une réunion dans le cadre du parti auquel nous avons appartenu il n'y a pas longtemps, où on avait fait remarquer qu'il y avait violation flagrante des libertés politiques à Rumonge, à Makamba, à Ngozi, et que sais-je encore. Alors j'ai brandi le rapport en disant, est-ce qu'avec tout ça, vous pouvez oser dire qu'il y a liberté politique ? Tout n'est pas gagné aujourd'hui. Côté AND, je vais vous parler de l'expérience la plus récente. C'était ce 18 février 2024 où nous avons organisé une première sortie en province de Bujumbura, dans l'actuelle province de Bubanza, où après avoir... L'actuelle province de Bujumbura. Oui, les provinces ne sont pas encore, disons, dans leur appellation, totalement rayées sur la liste. Ça veut dire que on parle encore du gouverneur de Bubanza. Parler de l'activité. Bien. Alors, dans cette activité, après avoir inauguré la place où sera implantée, construite notre permanence, ici à Bujumbura, commune de Guirusha, nous sommes dirigés donc à Bubanza, dans la province actuelle de Bujumbura. Alors, il était question d'annoncer notamment les perspectives d'avenir, notamment notre projet de société, et notre programme pour donc débuter cette implantation. Je ne dirais pas qu'il y a eu velléité, mais il y a eu tendance ou tentative de nous empêcher. Mais c'était trop tard parce que c'était vers la fin. Et l'administrateur de la commune de Bubanza s'est introduit dans la salle où se déroulaient les activités. Il a appelé notre représentante. Il était au courant, bien entendu, parce que nous avions adressé une lettre au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, avertissant que nous comptions lancer cette activité en bonne et due forme en date du 18 février, comme je vous disais tout tantôt. Alors, nous avons copié le gouverneur, nous avons copié toutes les autorités, aussi bien militaires que, disons, sécuritaires et administratifs. Donc, tout le monde était averti, y compris donc l'administrateur. Et fort heureusement, quand il a tenté de contacter la hiérarchie, on lui a dit, l'AND se trouve à Bubanza et nous le savons. Et vous avez été averti. Le gouverneur aurait dit la même chose à l'administrateur qu'il savait que l'AND se trouvait à Bubanza. Il me semble même qu'on a cherché à savoir s'il a eu le temps de lire la lettre qui lui était adressée en copie. Nous interpellons tout de suite que les autorités, aussitôt qu'ils sont contactés par la voie administrative, par la voie des lettres, ils puissent, n'est-ce pas, les lire, mais aussi les interpréter à juste titre, à juste valeur. Donc il est intervenu plus tard, et c'était trop tard parce qu'on venait de terminer l'activité, et il a persisté jusqu'à ce qu'on coupe les micros, et comme je suis un enseignant de formation, j'ai clôturé la réunion en bonne et due forme, en disant, d'ailleurs une boutade, qu'il y a un parent qui a baptisé son enfant Bihoru Busa, pour dire que c'était... déjà consommé, que le vin était tiré, qu'il fallait le consommer. Et c'est uniquement parce qu'on soupçonnait que madame la présidente de la Ligue des femmes, les Avari Gumije, ne pouvait que réunir uniquement 10 à 20 personnes. Mais il s'est fait que dans la salle, il y avait plus de 245 participants, donc convaincus, et il y avait tout autour l'équivalent qui avait peur parce qu'il pensait que madame allait être emprisonnée. Et avec la présence... Vous estimez faire peur aux autres partis politiques? Absolument. Sinon, comment est-ce que cette intervention... Une petite question, Gaspard Kobako. Dans le temps, vous étiez parmi les responsables du parti CNDD, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas que le CNDD. Et aujourd'hui, avec le nouveau parti, qu'est-ce que vous apportez de plus à quant à l'amélioration des libertés politiques dans le pays? Oui, qu'est-ce que nous disons sur le chapitre politique? Parce qu'il n'y a pas que la politique, il y a l'économie, il y a le social, il y a la justice. Et donc tout ceci se trouve dans notre projet de société que nous avons présenté au ministère de l'Intérieur et à base duquel nous avons été agréés. Donc c'est sur la base de cette originalité. Je vais tout droit à la réponse. De façon très résumée pour que je nous passe disons, la parole... Au niveau de l'Alliance nationale pour la démocratie, il faut qu'il y ait liberté au sens propre du terme. Alors, il y a un certain nombre d'articles dans la Constitution, et je voudrais vous citer l'article 31 uniquement, pour ne citer que, n'évoquer que ce seul article. La liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Et je pense que c'est à ce titre que le président du Codebo finalement a été lâché après avoir exprimé son opinion et on a constaté qu'on s'était trompé. Voilà. Alors, je disais, il faut qu'il y ait un débat contradictoire en démocratie et que pour les idées plurielles, les idées dominantes puissent être considérées et puissent guider donc la société burundaise. C'est à base de ces idées plurielles, novatrices, qui doivent guider la politique du pays. Donc, il faut qu'il y ait pluralisme politique, il faut qu'il y ait liberté d'opinion, liberté d'association, telle que consacrée et consignée dans notre constitution. Merci. Et je vais me rendre directement chez Kefa Nibizi du parti Codebo, Yidagi Ilyana Daye. Et ce sera une question commune en tant que parti politique. Vous avez quel droit, mais aussi quel devoir sur le terrain d'activité? Ce sera une question commune et je commence par vous, Kefa. Bon, merci beaucoup. Les droits que nous avons, ce sont des droits qui sont consignés dans la Constitution, ce sont des droits qui sont consignés dans la loi sur les partis politiques, ce sont les droits qui sont consignés dans la loi sur les réunions et les manifestations publiques. Ça veut dire, nous avons le droit d'abord de disposer des militants sur tout le territoire national. Nous avons le droit d'avoir des permanences, en tout cas dans toutes les circonscriptions de la République du Burundi, et d'y mettre des effets de notre formation politique. Nous avons le droit de faire des communications à travers les médias agréés au Burundi ou à faire une éducation en passant sur tout autre sport, que ce soit physique ou virtuel, pour vulgariser notre idéologie et notre programme politique. Parce que le programme politique ne se donne pas uniquement pendant la campagne. Les militants doivent adhérer à un parti politique en sachant quel est son programme politique, où est-ce que nous voulons aller. Alors, tous ces droits-là, pour que on puisse, la jouissance de ces droits requiert l'intervention de l'administration, mais aussi une bonne cohabitation des autres formations politiques. Cela étant, nous avons le droit, le devoir de respecter la loi burundaise dans tout ce que nous faisons. S'il faut respecter les limites prescrites pour faire une réunion, nous avons aussi l'obligation de respecter les autres. On n'a pas le droit d'intimider les autres, on n'a pas le droit d'injurier les autres, donc nous avons l'obligation de respecter. Nous avons aussi l'obligation de ne pas propager des messages haineux et nous avons l'obligation de ne pas disposer des groupes paramilitaires. Il est strictement interdit par la loi sur les partis politiques à un parti politique de disposer des groupes paramilitaires. On ne peut pas prendre les jeunes, les enseigner. Est-ce que ça s'est donc observé? Il n'y a pas de parti politique qui nous dit. Non. Tu m'as posé une question de l'ordre général. Je te réponds de façon générale. Bon, s'il y en a. en tout cas, ça c'est un autre débat. Vous m'avez posé le droit, c'est que nous sommes obligés de ne pas disposer des groupes paramilitaires qui ont une formation à caractère militaire, qui disposent des effets militaires. Ça c'est interdit aux partis politique. Il est interdit, c'est l'obligation d'accepter au sein de nos formations politiques des magistrats en fonction et des policiers ou des militaires en fonction. Ils ne doivent même pas faire allégeance à notre formation politique. C'est interdit par la Constitution, c'est interdit par la loi sur le parti politique. Et le parti Codebo est quitte. En tout cas, on n'a jamais été condamné à quoi que ce soit parmi toutes ces obligations que je viens de Question à vous. APDR, Gabriel Banzawitone, les droits et les devoirs. des partis politiques. Merci beaucoup, comme le président Kodé vient de le dire. Cette question se trouve dans les lois, c'est la constitution, c'est les lois sur les partis politiques, c'est les lois sur les réunions et manifestations publiques. Tout ça, il y a les droits. Alors, les droits que nous avons d'abord à avoir l'agrément du parti. La loi sur les partis politiques garantit que vous devez signer, même dans le statut maître, un acte sous forme d'engagement, que vous allez respecter les lois burundaises et que vous allez lutter contre des messages haineux, vous allez lutter contre la discrimination de toutes ces formes, mais plutôt comme le devoir, vous allez soutenir le gouvernement, vous allez aider le gouvernement dans ses activités, surtout dans l'ordre politico-économique, c'est ça comme le devoir. Alors, au Burundi, comme nous sommes très différents avec d'autres pays, il y a d'autres pays où les partis politiques, vous trouvez les partis politiques provinciaux, mais nous, c'est quand il y a un parti politique, c'est le parti politique national. Il y a d'autres pays que tu peux avoir un agrément de votre parti politique, mais provinciaux. Des partis politiques nationaux, partis politiques communaux. Vous dites, moi, je me limite dans la province de Bujumbura, mais jusqu'à présent, au Burundi, quand il y a un parti agréé, c'est un parti national. Alors, nous avons le devoir d'atteindre nos militants pour partager notre idéologie, notre programme. Mais quelquefois, les droits sont bafoués, peut-être, comme je vous ai dit, manque de moyens. Et pour atteindre, le gouvernement ne finance pas les partis politiques. Nos avocats des chômeurs au niveau des partis, les militants, qui sont vraiment incapables de cotiser. Et aussi, c'est la force des partis au pouvoir de nous donner pas les emplois aux autres partis pour peut-être n'avoir pas beaucoup de moyens. Vous trouverez qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui ont peut-être des membres dans les organes pour manque de cotisation. Donc, c'est une entrave. Mais dans l'ensemble, les droits et les devoirs, nous devons respecter puisqu'ils se trouvent au niveau de quoi, des lois. La différence, c'est que le gouvernement devrait aussi franchir le pas à respecter nos droits, ce que la loi nous garantit. Est-ce qu'il y a un mot à placer? Vous ajoutez quelque chose, M. Gaspard Kobako de l'AND. Oui, au niveau de l'AND, nous avons le droit d'exercer la politique conformément à la loi fondamentale, conformément à la loi sur les partis politiques, et les réunions et manifestations publiques, comme mes collègues viennent de le dire. Nous avons l'obligation aussi de respecter la Charte de l'Unité Nationale. Vous ne pouvez pas aller parler de la Charte de l'Unité Nationale à laquelle nous avons souscrit tout le monde et faire autre chose qui est au contraire à la loi. Alors, nous avons le droit d'exercer nos orientations politiques suivant notre projet de société ou nos projets de société respectifs, suivant nos programmes ou les programmes des partis politiques et suivant aussi nos statuts. Nous avons notre propre loi, nos propres lois internes. Il y a les statuts qui, à base desquels nous avons été agréés. Il y a le règlement d'ordre intérieur. Donc, en politique, nous devons respecter aussi bien la loi ou les lois nationales que nos propres lois. Et il n'y a pas une loi qui autorise un parti politique de lever un corps de paramilitaire qui va intimider les autres partis. Ça, c'est une triste réalité. Les gens qui exercent, qui font des activités chaque samedi, je les ai vus, avec des talkie-walkie, avec des tenues chaque samedi, est-ce que ça relève de la loi? Et si les autres partis faisaient la même chose, qu'adviendrait-il? Parce qu'il va falloir qu'on le fasse, et, étant entendu que le droit de tout un chacun... Vous vous apprêtez à le faire un jour? Dans les limites de la loi. S'il y a une loi qui autorise le président de la PADR, n'est-ce pas, de faire des exercices, ça veut dire que cette loi aussi est reconnue automatiquement envers les autres. Ce n'est pas une question de bras de fer. C'est une question de dire ce qui vous est permis, me l'est permis. Ce qui vous est interdit, mais aussi interdit, étant entendu que la liberté de tout un chacun commence par où s'arrête celle d'autrui. Il en va de même dans le cadre des partis politiques. Il y a ce qui nous est interdit. Ça, c'est conforme à la loi. Alors, la proscription de la haine, chez nous, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans notre projet de société. Il y a la haine ethnique. Des fois, ça se lit dans nos groupes. Il y a la haine régionale et toutes sortes de haines. basé sur l'exclusion, juste pour avoir un ego politique. Ça, c'est inacceptable. Et nous disons, comme les autres l'ont dit, l'engagement dans l'administration, des hauts gradés de l'armée, la loi l'interdit. Notre loi l'interdit. Les magistrats, vous n'exercez pas. Sinon, comment est-ce que vous allez rendre justice ? Parce que nous disons, au niveau de l'Alliance nationale pour la démocratie, il ne suffit pas qu'il y ait de la justice. Il faut qu'il y ait une justice juste. Voilà, par exemple, les militaires, c'est à la caserne, c'est aux casernes. Et chaque fois que les militaires sont sortis des casernes, suffit la catastrophe. Ici, au Burundi, comme ailleurs. Voilà pourquoi nous disons, nous avons le droit d'exercer la politique dans les limites prescrites par la loi et nos propres lois. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de liberté politique à la veille des échéances électorales au Burundi. État des lieux, défis et perspectives. Il y a trois invités avec nous sur le plateau, à savoir Gaspard Kobako, président du nouveau parti AND, Alliance nationale pour la démocratie, Kefani Wizi, président du parti Kodebu, Iragi Yandadaye, ainsi que Gabriel Banzawitone, président du parti APDR. Quels sont alors, selon vous, avant de parler de perspectives, quels sont les défis liés à la liberté politique au Burundi à la veille des grands rendez-vous électoraux au Burundi 2025-2027. Je vais faire aussi le tour de table. Kefa Nibizi. Bon, là, le principal défi pour nous, la population se trouve dans un état de résignation. De résignation pourquoi ? Parce qu'il y a une culture de peur qui a gagné la majorité des Burundais qui ne sont pas affiliés au parti au pouvoir. Comme quoi, si vous vous manifestez que vous faites partie d'un membre d'un autre parti politique, il y a des droits que vous allez perdre. Vous pouvez être intimidé, tout consort. Résignation, pourquoi ? Parce que la population, chaque fois que moi je fais les descentes, on me pose la question, est-ce que vous êtes sûr que même si on va vous donner des voix, est-ce qu'on va proclamer tel qu'on vous les a donné ? Il y a une certaine pensée qui a gagné une partie de la population, comme quoi les élections ne sont pas transparentes. Et cela décourage la population. Il y a résignation parce que la population est dans une pauvreté extrême. Et malheureusement, elle ne parvient pas facilement à distinguer quelle est la cause de cette pauvreté. Elle ne voit pas à quel sens se vouer. Et par voie de cause, elle dit, non, laissons-nous dans notre pauvreté, on ne voit pas comment on va en sortir. À un certain moment, on a parlé de manque de financement pour les partis politiques. Mais je me suis dit, est-ce qu'à l'époque de l'indépendance, même si le héros de l'indépendance, le prince Lugaga Sore, était un prince, est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent plus que les formations politiques soutenues par les corps? Je ne crois pas. Est-ce qu'en 1993, le Frodebu avait beaucoup plus de moyens que les prenants? Non. Mais ils ont gagné les élections. C'est parce qu'à cette époque-là, la population avait facilement identifié les problèmes et les sources de problèmes. Il fallait éliminer la source de problèmes. Maintenant, je crois que la population a du mal à comprendre d'où vient la pauvreté qu'elle vit. Et par voie de conséquence, elle ne trouve pas de solution. Et je tiens à rappeler sur ce micro que chez nous, nous disons, la pauvreté ou la richesse pour un pays ou pour un peuple dépend en grande partie de la gouvernance de ceux qui dirigent le pays. Si vous êtes bien dirigé, vous le maintenez. Si vous n'êtes pas bien dirigé, il faut changer le tir. Alors, il y a un autre défi, c'est la volonté de se maintenir au pouvoir ipso facto. Que nous observons. Ipso facto. Oui, oui, que nous observons au sein des partis au pouvoir. Et ce n'est pas lui seulement. Presque tous les partis politiques qui fuient des mouvements armés, qui étaient transformés en partis politiques et qui gagnent le pouvoir, ils ont toujours tendance de croire qu'ils ont le droit divin d'y rester et ils utilisent tous les moyens, bons ou mauvais, légaux et illégaux, pour se maintenir au pouvoir. Et cela, ça se transparaît dans les slogans, ça se transparaît quand on dit que le parti au pouvoir est devenu et confondu au pays, donc ça devenait un parti État. Donc ça devenait un peu compliqué parce que là, il n'y a pas d'ouverture de compétition. Un autre défi, c'est qu'au Burundi, on ne peut pas exercer des activités économiques. On ne peut pas être un opérateur économique, petit, grand et moyen, même si vous avez un bistrot ou un salon de coiffure. Il faut être affilié obligatoirement au parti au pouvoir pour mieux exercer vos activités. Et là, les gens sont intimidés, n'adhèrent pas au parti au pouvoir parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont peur d'être perturbés dans les activités. Est-ce que vous avez été empêché de faire quelque chose n'étant pas au parti au pouvoir? Je vous donne un exemple. Car au parti au pouvoir, ils organisent des réunions dans une locataire quelconque, on ferme tout. On ferme toutes les boutiques, on ferme tous les bistrots, on ferme tout. Est-ce que cela ne signifie pas que, même si vous n'êtes pas au parti au pouvoir, vous êtes obligé de fermer votre boutique, de fermer votre salon de coiffure, de fermer votre bistrot pour laisser les gens assister. Vous comprenez ce que ça signifie. Donc, tous ces défis-là font que les libertés politiques ne sont pas pleinement exercées parce que ça crée effectivement un sentiment de résignation et un sentiment de résignation font que les choses attendent un sauveur qui vient de je ne sais pas d'où, alors que c'est eux qui devraient prendre les choses dans les mains. Des défis, Gabriel Banzo-Hitori. Cette question, l'intervention a déjà peut-être répondu, c'est tout simplement les ajouts. On a déjà dit que dans l'ensemble de la liberté garantie au Burundi, mais il y a quelques quand même défis. Comme le président, il a peut-être tout dit. Il y a ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui vers le tenir, le détenir. Mais nous aussi, nous voulons le pouvoir. Alors, comme ils sont au pouvoir, ils utilisent les moyens mais ça passe extra. Mais ça passe par les élections. Oui, mais ils utilisent des moyens extra pour maintenir son pouvoir. Oui. Parce que je dis que la population aujourd'hui, et la population a demandé ce que vous pouvez gagner. Donc, il y a la population aujourd'hui qui ne comprend pas qu'il y a un autre parti qui peut accéder au pouvoir. Est-ce que vous pouvez gagner le pouvoir? Oui. Tu as dit oui. Est-ce que tu vas régner? Tu vas gouverner pourquoi? Donc, il y a cette peur qui dit que même celui qui peut gagner, on a peur que peut-être ne peut pas gouverner. Alors, le parti au pouvoir devrait connaître qu'on est dans la démocratie et c'est libre choix. Donc, il y a aussi manque de programmes au niveau des partis politiques. Les partis, on a des 36 partis, mais vraiment, si vous passez, vous trouverez qu'il y a des partis qui n'ont pas mis de permanence nationale, il y a des partis qui n'ont pas de programme, il y a des partis qui ont des cachets au niveau des marais, ils circulent avec des cachets au niveau des marais. Vous entendrez bien qu'il n'y a pas vraiment. Il y a des partis, je dirais, en papier. C'est un défi de liberté que la population a besoin d'avoir beaucoup de programmes. Et il y a aussi manque de sensibilisation au niveau de l'administration locale. Vous trouverez que l'administration à la base ne sont pas bien outillés à accepter la démocratie. Ils ont vraiment des messages que le pays, il y a un parti État qui devrait être... L'administration à la base qui ne savait pas qu'il y a plus d'un parti au Burundi. Qu'ils savent tout simplement qu'il y a au moins un seul parti. C'est pourtant cette administration que vous vous adressez pour exercer vos activités. C'est ça ce qui est le problème. Vous trouverez un administratif qui vous dit il y a un autre parti qui peut gouverner. Si vous passez dans son bureau, direz que nous avons une activité. Et ce parti existe. Donc, lui, il ne comprend pas qu'il y a peut-être un autre parti qui peut se présenter pour exercer une activité politique au niveau de sa localité. Disant que c'est perdre de l'État. Mais une autre chose que je peux terminer. Oui. Aujourd'hui, nous avons la prolifération des corps de défense de sécurité dans l'administration centrale. Vraiment, si vous voyez bien, mais c'est un défi. On devrait ce sont des Burundais. Oui, ce sont des Burundais, mais quand même, vous verrez qu'il y a un problème au niveau des politiques. Puisque quand il y a un problème au niveau des politiques, mais car l'administration. C'est pourquoi même la loi interdit que les cours de défense des magistrats ne sont pas permis d'exercer la politique. Alors, comme ils n'ont pas passé dans les campagnes, ils n'ont pas attendu ce que le parti a promis à la population. Alors, occuper un poste politique, Gaspard, ça devient vraiment un problème. Peut-être qu'il va surgir après, mais c'est un défi. Vous ajoutez quelque chose, Gaspard Kouakou, par rapport au défi? Absolument, je vais très rapidement, de façon résumée. Oui. Le premier défi, c'est de respecter et faire respecter la loi. Ça, c'est un grand défi. Le deuxième défi, ce serait de voir comment extirper la peur des électeurs, parce que la peur règne et elle est même cultivée. Troisième défi, comment changer le langage et adopter un langage apaisé. Quel est le langage qu'il y a ? C'est le langage girafe et c'est celui-là que nous utilisons, que nous prenons dans le parti Alliance Nationale pour la Démocratie. La girafe est le symbole même de la non-violence. Et quatrième défi, il faut enrayer cette tendance à l'hégémonisme et au monopartisme qui tend à s'ériger. Là, vous êtes en train de parler plutôt, je pense, de perspectives plutôt que les défis. Se préparer comment quitter le pouvoir. C'est Tikkene Jafakoli qui le disait. Il y a des gens qui ne sont pas préparés à quitter le pouvoir pour le laisser aux autres. Parce que tout parti politique aspire à diriger le pays. Donc, on ne peut pas donc rester dans... Il y a un autre grand défi. Tout à l'heure, on évoquait des moyens. Sous le Frodebo, la caution pour les présidentielles, c'était de 1 million. Et le Frodebo a eu des problèmes énormes pour réunir son million. Essayer de ramener ça sur, pour totaliser. C'est vrai. Aujourd'hui, dans un pays où la pauvreté règne à hauteur de 75%, on dit qu'il faut 100 millions pour un candidat au présidentiel. Est-ce que subitement, comme une génération spontanée, on devient riche? Donc ça devrait être par rapport aux moyens dont dispose le pays. Donc on devrait donc laisser cette question à la Commission électorale nationale indépendante et j'en arrête là. Donc les défis ne manquent pas et voilà les quelques que j'ajoute aux côtés des autres collègues. Alors, perspective, Kefa Nibizi du Kodebou, qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles pour les prochaines échéances électorales? Je pense que je serai très bref. Dans un premier temps, il faut que la population sorte de cette résignation, qu'elle sache qu'elle a la responsabilité de prendre les choses en main, d'identifier les défis, de trouver leur origine et de donner des solutions. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est la population qui doit résoudre les différents problèmes auxquels elle affronte. Pour bien avancer, il nous faut des réunions régulières avec l'administration au niveau national, au niveau provincial et au niveau communal pour échanger ensemble comment faut-il travailler dans le strict respect de la loi. Pour les partis politiques, on doit travailler dans le respect mutuel en évitant des messages de haine et des messages d'intimidation. Il faut que pour les partis politiques, on enseigne nos propres programmes politiques et non essayer de vilipender les autres, mais plutôt de montrer notre idéologie, de montrer notre programme politique. Voilà en quelque sorte les différentes propositions que je peux donner pour la meilleure conduite des élections de 2025 et de 2027. Merci. La question est adressée aussi à vous, Gabriel Bandawitone de la PDR. 2025, ce sont des élections qui sont très différentes avec les élections qu'on a connues au Burundi, puisque ce sont des élections où la candidature présidentielle ne sera pas parmi. Alors que ça va revenir en 2027, mais les autres élections, car il y avait la candidature du président, influencer d'autres élections. Ça montre que nous allons dans des élections où peut-être beaucoup, le programme va être en avant que d'autres moyens de convaincre. Et autre chose, ce sont des élections qui viennent 10 ans après le virus qui s'est secoué au Burundi en 2015. Vous savez que depuis 1966, après 10 ans, il y avait un problème. C'est pourquoi nous, 1966, 1976, 1987, 1996, 2006, 2015, maintenant nous tendons vers 2025, 10 ans. C'est pourquoi la première chose... Vous avez peur de 10 ans. La première chose, c'est que comme le président Côte d'Ivoire a dit, il faut commencer aujourd'hui. Même avec le ministère de l'Intérieur, dernier intense avec les partis politiques, donc tous les partis prenants aux élections, avec les gouverneurs, pour bien se préparer à lutter contre ce qui peut encore nous conduire en arrière. il faut que le code électoral soit directement mis en place. Vous savez qu'aujourd'hui, les législatives sont déjà dans les vacances. Alors, le code électoral n'a pas encore sorti. Comment, avec des coupages administratifs, la CENI va se préparer pour mettre en place les CP et les CC, alors que le code électoral n'est pas là. Il faut mettre en place le code électoral. Il faut aussi que... on nous a dit qu'on va utiliser le carte nationale d'identité biométrique, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas sa production. Il faut alors accélérer la production des cartes biométriques. Qui va servir aux élections 2025 pour que demain ne sera pas un des éléments de l'entrave des élections. Il faut aussi faire de route pour commencer à se concentrer avec les partis politiques, comment on va se comporter. Il y a aussi une dernière chose, il faut qu'il y ait la tolérance politique. Quand on dit la tolérance politique, moi je me demande comment un parti fort comme le parti CNDD-FDD peut bloquer les activités d'un parti comme AND qui vient de naître. Ça montre qu'il y a une tolérance politique. Il faut laisser ces gens vaguer comme ils veulent, puisque si on a dit qu'il n'y a pas de moyens, donc le parti ne veut pas faire avec des partis moyens. Qui sont des tigres en papier à cause de quoi? À cause de faute des moyens. Les CCJ, pour que demain, n'aura pas de bouc émissaire qu'on les a empêchés, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre les militants. Puisque les partis sont pauvres, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de cotisations. Donc je demanderais qu'il faut laisser vraiment les gens vaguer dans les activités politiques. Mais le problème est pour la PDR, ce n'est pas le terrain, ce n'est pas le travail de terrain. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas le travail de terrain. Mais je dis qu'il y a quelques administratifs qui n'ont pas bien sensibilisé, qui n'ont pas accompli la démarche démocratique. Vous trouverez avec des chansons haineuses, avec des chansons d'intimidation. Je vous ai dit qu'on peut entrer dans un bureau d'un administratif et dire « ce parti existe, vous voulez quoi ?» Donc, ils ne comprennent pas que notre parti peut accéder au pouvoir. Alors, on se demande si demain ou bien après demain, la PDR va gagner les élections. Est-ce qu'on va gouverner? Il y aura quoi après notre victoire? Puisque nous prétendons la victoire. Qu'est-ce sera après notre victoire? Il y a des gens qui ne comprennent qu'à PDR peut accéder au pouvoir. Comment PDR peut accéder au pouvoir? Alors que c'est notre souhait. Donc la démocratie, on devrait vraiment des sensibilisations avec la tolérance politique. Puisque la PDR est bel et bien outillée d'accéder au pouvoir, car l'occasion se présente, c'est notre programme. Vous attendez encore ce temps. Même 2025, avec un programme que nous allons mettre à la population bien enrichie, nous voulons vraiment, nous pensons bel et bien que nous allons gagner. Gaspard Kouakou, et vous allez gagner. Est-ce que vous allez gagner à deux? Non, sinon, il va attendre. Des perspectives, c'est comment? Oui, merci. Je voudrais d'abord commencer par donner une réponse lapidaire à Monsieur le Président de la PDR qui me connaît très bien. Ouais. Lorsqu'on vous empêche d'exercer une activité politique pour un parti naissant, c'est un signe de peur et c'est un signe de faiblesse. Alors, permettez-moi aussi que je vous dise aussi un mot. Si des administratifs demain nous disent, après votre meeting, après votre réunion, passez nous voir. J'ai dit de prime abord, quand j'ai annoncé les couleurs de l'AND, Alliance Nationale pour la Démocratie, Inadohoka, que nous combattrons avec la dernière énergie la corruption pour emboîter le pas son Excellence le Président de la République. Maintenant, passons directement aux recommandations perspectives. Il faut que le ministère de l'Intérieur, qui a la gestion des partis politiques dans ses attributions, puisse rappeler aux administratifs à la base leur rôle. Ce n'est pas d'entraver les activités politiques comme il y a eu tendance quand nous sommes sortis dans la province de Bujumbura, Bubanza. Il faut respecter les articles de la Constitution, à l'occurrence les articles 31, 32, 33 et 34 de la Constitution. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je crois que nous les invitons pour aller les lire. C'est consacré à la liberté. Et il faut que la Commission électorale nationale indépendante fasse beaucoup de séances d'éducation électorale, comme elle l'a promis, à partir du mois de juin. Il faut absolument lutter contre le langage violent, parce qu'au niveau de l'Alliance nationale pour la démocratie, nous disons qu'il faut le langage girafe, c'est-à-dire un langage apaisé, un langage rassurant. Il faut multiplier les réunions, comme le disait le président du Codebou. Il faut surtout interdire et s'interdire d'enseigner la violence, surtout à la jeunesse, à l'occurrence les mineurs, comme le disait le président de la PDR. Leur place, c'est à l'école, c'est à l'éducation. Il faut que les partis politiques vendent leur projet de société, leur programme, et pas vendre justement en vilipendant les autres. C'est-à-dire que c'est faute d'arguments, c'est faute de programmes politiques. Et enfin, il faut respecter aussi bien les lois sur les libertés politiques, tout en respectant ses propres lois. Et enfin, il faut organiser les élections libres, transparentes et apaisées que nous souhaitons qu'elles soient des élections réussies, crédibles, dans lesquelles nous comptons gagner parce que nous avons fondé nos partis pour cette raison. Espérons que ça sera ainsi. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle portait sur les libertés politiques au Burundi à la veille des échéances électorales de 2025-2027. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, Kefani Wizi du parti Kodebou, Iragi Gianda Daye, Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR, ainsi que Gaspard Kobako, président du parti AND Inhadohoka. Merci à l'équipe technique, à savoir le duo Séraphine Hakizimana et Jérôme Ndayishimiye, ainsi que Vestine Boutoyi pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitaliho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque.